Selon le journal internet sud-coréen La Voix du Peuple, il y a eu le 10 à Séoul, à l'occasion du 30e anniversaire du soulèvement populaire de juin, le rassemblement à la mémoire des gens qui se sont sacrifiés pour la réunification de la patrie et la démocratisation de la société sud-coréenne. Y ont pris part les familles des victimes, les dissidents et les citadins de divers paliers. Les orateurs ont affirmé que les plus graves abus de la société sud-coréenne sont la loi sur la sécurité et la campagne contre les forces dépendantes du Nord, et déclaré livrer le mouvement pan-national pour l'éclaircissement des dessous de la répression du soulèvement et la punition des auteurs, ainsi que l'élimination des abus des forces conservatrices.